Hallelujah. Hallelujah. How many Christians have kept their wedding gowns spotless? Mais combien de chrétiens gardent leur robe de noces sans tache? Walking in this new salvation of the Lord. Marchant dans ce nouveau salut du Seigneur. Many times there are many spots that come on the gown that the church wears. Bien souvent, il y a des taches qui salissent la robe de noces que l'Église porte. No wonder. Rien d'étonnant. The Lord has opened a mighty door of repentance. Le Seigneur a ouvert une puissante porte pour la repentance. So she may clean up the stains. Alors elle peut nettoyer les taches. On the gown. Sur la robe. So every Christian has a wedding gown. Alors chaque chrétien a une robe de noces. By right. Il en a le droit. Because she was already purchased. Elle a déjà été rachetée. But how many Christians have kept their wedding gowns spotless? Mais combien de chrétiens gardent leur robe de noces sans tache? And he says fine linen. Et il dit du fin lin. I like that when he says fine linen. J'aime quand il dit du fin lin. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Alléluia. There is a lot of revelation here, somebody. Il y a beaucoup de révélations ici. Have you kept your gown fine and clean? Est-ce que vous gardez votre robe fine et propre? Or it has been tainted by sexual sin. Ou bien ça a été entaché par le péché sexuel. And sexual lust. Sexuelle convoitise. And lying. Et mensonge. And false prophecy. Et fausse prophétie. Remember deception, lying and false prophecy. Souvenez-vous, la déception et les fausses prophéties are the sins of the Antichrist that will come to deceive. Sont les péchés de l'Antichrist qui va venir pour décevoir. Counterfeit the Lord. Contrefaire le Seigneur. She is in witchcraft. Elle est dans la sorcellerie. She loves the things of the world. She has loved money more than the Lord. Elle aime les choses de ce monde. Elle a aimé l'argent plus que le Seigneur. She's in idolatry, idol worship. Elle est dans l'idolâtrie. Elle adore des idoles. They have painted the wedding gown. Nomme-le. Ils ont souillé la robe de noces. So that's why the Lord was speaking to the church through the wedding rings. Look. C'est pourquoi le Seigneur était en train de parler à l'Église à propos de l'anneau de noces, disant, regarde. Church, you are the bride of Christ. Église, tu es l'épouse de Christ. You belong to heaven. Tu appartiens au ciel. Please prepare the wedding gown. S'il te plaît, prépare la robe de noces. But there's a revelation here. Mais la révélation ici, in this wedding gown, dans cette robe de mariée. Because it says, fine linen stands for the holy acts of the church. Parce qu'il dit, le fin lin, c'est pour les œuvres saintes de l'Église. The holiness of the church. La sainteté de l'Église. No wonder in the book of Hebrews it says, pas étonnant que dans le livre des Hébreux, il dit, chapter 12, verse 14, le chapitre 12, verset 14. It says, make every effort to live in peace. Recherchez la paix avec tous. With all men. Avec tous les hommes. And to be holy. Et soyez saints. And it says, for without holiness. Parce que sans la sainteté. No man will see the Lord. Personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Alléluia. In the book of 2 Peter. Dans le premier livre de Pierre, chapter 1, verse 13 on, chapitre 1, verset 13 et suivant, verse 15, it says, au verset 15, il dit, just as he who called you is holy, puisque celui qui vous a appelé est saint, so be holy in all you do. Vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. For it is written, selon qu'il est écrit, be holy because I am holy. Vous serez saints car je suis saint. The Bible is full of God speaking about his holy nature. La Bible est pleine de messages de la part de Dieu parlant de sa nature sainte. No wonder it says the holiness of the church. Rien d'étonnant qu'ils disent la sainteté de l'Église is the fine linen. C'est le fin lin. Is the wedding gown. C'est la robe de mariée. But there are two other aspects here. Mais ici, il y a deux autres aspects. It says bright and clean. Il dit éclatante et pure. Alléluia. Alléluia. Has the church kept the linen clean? Est-ce que l'église garde le lin pur? Remember the bright aspect of the Hallelujah, this revelation. The bright aspect of the fine linen. Alléluia, c'est une révélation. Souvenez-vous, l'aspect éclatant du fin lin. That will qualify the church to wear that precious decorated wedding ring. Ça va qualifier l'église de mettre ce précieux anneau décoré. That bright aspect is what comes out of the fruit of repentance. Cet aspect éclatant vient du fruit de la repentance. Emanating from the church that is the bride of Christ. Émanant de l'église qui est l'épouse de Christ. Coming out of the church that is the bride of Christ. Sortant de l'église qui est l'épouse de Christ. The fruit of repentance. Le fruit de la repentance. What do I mean by this? Qu'est-ce que je pense par cela? In the book of Matthew, dans le livre de Matthieu, the Lord speaks, Matthew chapter 13, verse 43. Le Seigneur parle, le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 43. Matthew 13, 43. Matthieu 13, 43. I say this is going to be very deep today. The church will never be the same again. J'ai dit, ça va devenir très profond aujourd'hui. L'Église ne va plus jamais être la même. This is the turning point. C'est le moment décisif. Matthew 13, verse 43. Matthieu 13, verset 43. This is what he says. C'est ce qu'il dit. From verse 41. Depuis le verset 41. He says, the Son of Man will send out his angels. Il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges. And they weed out of his kingdom everything that causes sin. Et qui arracheront de son royaume tous les scandales. And all who do evil. Et tous ceux qui commettent l'iniquité. Isn't that the cleaning process I've been talking about? Est-ce que c'est ça le processus de purification à propos duquel j'ai parlé? And he says, et il dit, they will throw them into the fiery furnace. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Where there will be the weeping and the gnashing of teeth. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Isn't that the purification I've been speaking about? Est-ce que c'est ça la purification à propos de laquelle j'ai parlé? Verse 43 is for you. Le verset 43 est pour vous. Then the righteous will shine like the sun. Alors les justes resplendiront comme le soleil. So when he says fine linen, bright and clean. Alors quand il dit du fin lin éclatant et pur. The brightness of the fine linen comes out of the fruit of repentance. L'éclat du lin pur résulte du fruit de la repentance. Which outpours, which brings out righteousness. Qui déverse, qui fait ressortir la justice. He says, then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father. Il dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. He who has ears, let him hear. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Alléluia. So you begin to understand. Alors vous commencez à comprendre. That the Lord is telling the church. Que le Seigneur est en train de dire à l'église. To prepare the wedding gown. De préparer la robe de mariée. But it's not just any wedding gown. Mais ça n'est pas n'importe quelle robe de noces. It's the one Jesus tailor-made for the church. Est celle que Jésus a confectionnée pour l'église. By dying at Calvary, being crucified, tortured. En mourant au calvaire, étant crucifié, torturé. Going on and resurrecting. En allant en dessous et en étant ressuscité. And he's saying, we now need to repent. Et il dit, nous avons maintenant besoin de nous repentir. And return to holiness. Et de retourner à la sainteté. And it is the holiness of the church. C'est la sainteté de l'église. That is the fine linen. Qui est le fin lin. And the fruit of the holy church. est le fruit de l'Église sainte, which is actually the fruit of repentance, qui est effectivement le fruit de la repentance, brings brightness to the wedding gown. Apporte de l'éclat à la robe de mariée. So in other words, the Lord was telling the church, en d'autres mots, le Seigneur est en train de dire à l'Église, keep your gown clean. Garde ta robe propre. In the book of Revelation, he continued, like I said, chapter 16, verse 15. Dans le livre de l'Apocalypse, il continue, comme j'ai dit, au chapitre 16, verset 15. Behold, I come like a thief. Voici, je viens comme un voleur. Blessed is he that keeps his clothes on. That is the wedding gown. Heureux celui qui garde ses vêtements. Ça, c'est la robe de mariée. So he may not go naked and be shamefully exposed. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. According to the Lord, selon le Seigneur, either you have the right wedding gown or you are naked in his eyes. Ou bien vous avez la vraie robe de noces, ou bien vous êtes nu à ses yeux. Alléluia. Alléluia. What a sobering moment for the church. Quel moment sobre pour l'Église. And I'm giving revelation. What is the message embedded in the wedding rings? Et je suis en train de donner une révélation. Quel est le message intégré dans les anneaux de noces? That I've been announcing for the wedding of the Lamb of God. Prepare the way the kingdom of God is near. Que j'ai annoncé pour les noces de l'agneau de Dieu. Prépare le chemin. Le royaume de Dieu est proche. What is the message that's embedded there to the church? Quel est le message qui est intégré là pour l'Église? And I've been announcing this. Now the Lord is saying, et j'ai annoncé ça. Maintenant, le Seigneur est en train de dire, telling the church to prepare a spotless wedding gown. Disant à l'Église de préparer une robe de mariée sans tache. Because the rings are well decorated. Parce que les anneaux sont bien décorés. The gown has to be glorious. La robe doit être glorieuse. And the Bible says, et la Bible dit, that he is only coming for a spotless bride, a mature, glorious and spotless bride. Qu'il vient seulement pour une épouse sans tache, une épouse mature, glorieuse et sans tache. But when you read on, viewers, quand vous continuez de lire, auditeurs, it's tremendous here. Et c'est formidable ici. Because the rider of the white horse, parce que celui qui monte le cheval blanc, he says, I saw heaven standing open, verse 11, Revelation 19. Il dit, je vis le ciel ouvert, au verset 11 du chapitre 19 de l'Apocalypse. He says, I saw heaven standing open. Il dit, je vis le ciel ouvert. And there before me was the white horse. Et voici paru un cheval blanc. Whose rider is called faithful and true. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. With justice, he judges and makes war. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. And his head has many crowns. He has a name written on him that no one knows but himself. Sur sa tête étaient plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. He is dressed in a robe dipped in blood. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. And his name is the word of God. Son nom est la parole de Dieu. Listen to verse 14. Écoutez le verset 14. The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtu de fin lin blanc et pur. Do you see the revelation the Lord is giving the church? Vous voyez la révélation que le Seigneur donne à l'Église? This is talking about the white horse. Il est parlé à propos du cheval blanc. The second coming of Christ. La seconde venue de Christ. When he's coming on the Mount of Olives to Jerusalem. Quand il vient au Mont des Oliviers à Jérusalem. That is 7 years after the rapture of the church. Ça, c'est 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Then you begin to understand, et nous commençons à comprendre, that the Lord is essentially speaking to the church through the wedding rings, que le Seigneur essentiellement dit à l'Église à propos des anneaux de noces, placed at the entrance to heaven. Again, I repeat this. ces anneaux placés à l'entrée des cieux, et encore, je le répète, you right away begin to see the revelation. Tout de suite, vous voyez la révélation. You see the message. Vous voyez le message that the Lord is speaking to the church of Christ. Que le Seigneur est en train de dire à l'église de Christ by placing the two golden and glorious wedding rings, en plaçant les deux glorieux et en or anneaux de noces at the entrance to heaven, à l'entrée des cieux on the 1st of November 2006, le 1er novembre 2006. Entrance heaven, glory there. L'entrée des cieux, glorieux, ici. He's saying, prepare the wedding gown. Il est en train de dire, préparez la robe de noces. Let the Holy Spirit help you. Que le Saint-Esprit vous aide. To prepare a glorious gown. De préparer une glorieuse robe de noces. That means only the Holy Spirit can help the church to walk in holiness. Ça signifie que seul le Saint-Esprit peut guider l'Église à marcher dans la sainteté. The kind of holiness that will qualify her. La sorte de sainteté qui va la qualifier. To wed the Lamb of God. Pour épouser l'agneau de Dieu. And he's saying. Il est dit. After that, when you are wearing the wedding gown. Après ça, quand vous avez revêtu l'habit de noces. Fine linen, bright and clean. En fin lin, brillante et pure. The holiness of the Lord. La sainteté du Seigneur. Then now you can wed Christ and enter the wedding supper of the Lamb of God. Et maintenant vous pouvez épouser Christ et entrer au festin de noces de l'agneau de Dieu. But listen to this now. Et maintenant écoutez ça. He's saying. Il est en train de dire. Even during the day of the Lord, on the second coming of Christ. Pendant le jour du Seigneur, de la seconde venue du Seigneur, it is the raptured saints, ce sont les saints enlevés, and when the raptured saints are coming from heaven with Christ, et quand les saints capturés viennent du ciel avec Christ, he makes one emphasis, il met l'accent sur that they are all wearing fine linen, bright and clean. Sur le fait qu'ils sont tous en train d'être habillés avec du fin lin éclatante et pur. In other words, the Father, en d'autres mots, le Père, by placing the wedding rings at the entrance to heaven, en plaçant les anneaux de noces à l'entrée des cieux, he emphasized, il met l'importance, the gravity, the weight, and the extreme importance, la gravité, le poids et l'extrême importance of the wedding gown, du vêtement de noces that the church prepares right now, que l'Église prépare juste maintenant. It affects even her future when she's coming from heaven. Ça affecte même notre futur quand elle vient du ciel. Towards the day of the Lord. Envers le jour du Seigneur. With the Lord, avec le Seigneur, to Mount of Olives, au Mont des Oliviers, to Jerusalem, à Jérusalem. So everything the church is doing today, alors tout ce que l'Église fait aujourd'hui, has eternal implications, a une implication éternelle. So that's what the Father is saying. Ça c'est ce que le Père est en train de nous dire. Has eternal ramifications. A une ramification éternelle. You may choose to prepare the right wedding gown. Vous pouvez choisir de préparer la vraie robe de noces. Go into the kingdom of God. Aller dans le royaume de Dieu. The wedding supper of the Lamb of God. Le festin de noces de l'agneau de Dieu. After 7 years, come back with the Lord, rule for 1,000 years. Après 7 ans, revenir avec le Seigneur et conduire pour 1,000 ans. And be for the Lord forever. Et être pour le Seigneur pour toujours. Alléluia. Alléluia. Or you may choose to be sloppy, not caring. Ou vous pouvez juste être négligé, sans prendre garde. Not prepare the right wedding gown. Ne pas préparer la bonne robe de noces. And miss. Et manquer. Miss the rapture, the wedding of the Lamb. l'enlèvement du mariage de l'agneau. The father, by placing the wedding rings, le père, en plaçant les anneaux de noces at the entrance to heaven, à l'entrée des cieux, and placing the responsibility on the church, et en plaçant la responsabilité de l'Église to prepare a spotless wedding gown, pour préparer une robe de noces sans tache, proportionate with the quality of the wedding ring he has put here, proportionnel à la qualité de l'anneau de noces qu'il a mis là. Essentially, he has talked two things. Essentiellement, il a dit deux choses. He has emphasized the supremacy and the centrality of the Holy Spirit. Il a mis l'importance sur la suprématie et la centralité du Saint-Esprit in the process of preparing the church dans le processus de préparation de l'Église for the wedding of the Lamb, pour les noces de l'agneau. Because without the Holy Spirit, parce que sans le Saint-Esprit, she cannot measure up to the standard, elle ne peut pas égaler la norme that the Lord is calling her to live, que le Seigneur l'appelle à vivre, and to enter into at this time, et à entrer dans ce temps. Alleluia. Alleluia. And he has already put a lot of responsibility on the church now. Il a déjà donné beaucoup de responsabilités à l'Église maintenant. Look at that now. Regardez à ça maintenant. Let us still continue with this wedding gown. The book of Zechariah chapter 3. Continuons à propos de la robe de mariée. Voyons Zacharie chapitre 3. What is the Lord saying to the church? Qu'est-ce que le Seigneur dit à l'Église? By placing the wedding rings, en plaçant la bague de mariage, in the sky, dans le ciel, alléluia, alléluia, and flipping them to show how he has designed them so beautiful, decorated them, et les tournant pour montrer comment il les a dessinés, les décorant tellement joliment. And then we find that he's telling the church, et ensuite nous trouvons qu'il est en train de dire à l'Église, please, s'il te plaît, prepare a glorious wedding gown, prépare une glorieuse robe de noces. That's the day my word will be accomplished. C'est le jour où ma parole va être accomplie. Without holiness, nobody enters heaven. Sans sainteté, personne n'entre au ciel. Nobody will see the Lord. Personne ne verra le Seigneur. Zechariah chapter 3 is a very classic case of the wedding gown. Zacharie 3 est un cas classique de la robe de mariée. He says, verse 1. Il dit au verset 1. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord and Satan standing on his right hand side to accuse him. Le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Now all of you that are aspiring or that are already maturing as the bride of Christ. Alors, chacun de vous qui aspire, chacun de vous qui est maintenant mature comme épouse de Christ, it is mature to know, c'est mature de savoir, that the angel of the Lord is Christ Jesus, que l'ange du Seigneur est Christ Jésus. That's why you see there are other angels standing there that is giving command. C'est pourquoi vous voyez là qu'il y a d'autres anges debout auxquels il commande. That's just part of maturing as the bride of Christ. Ça, c'est juste une part de ce qui rend l'Église de Christ mature. So Joshua is standing before the angel of the Lord. Josué étant debout devant l'ange du Seigneur. Satan is standing the accuser on his right hand to accuse him. Satan, l'accusateur, se tient debout à sa droite pour l'accuser. Now listen to this. Maintenant, écoutez ça. The Lord said to Satan, le Seigneur dit à Satan, the Lord rebuke you, Satan. Le Seigneur te réprime, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Le Seigneur qui a choisi Jérusalem te réprime. Is this man not a burning stick snatched from the fire? Est-ce que cet homme n'est pas un tison arraché du feu? The revival of the Holy Spirit. Le réveil du Saint-Esprit. Look at that. Regardez à ça. Verse 3. Le verset 3. Joshua was dressed in filthy clothes. Or Josué était couvert de vêtements sales. as he stood before the angel. Il se tenait debout devant l'ange. And the angel said to those who were standing before him, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, take off his filthy clothes. Ôtez-lui les vêtements sales. Then he said to Joshua, see, I have taken away your sins. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. And I put rich garments on you. Et je te revais d'habits de fête. The wedding gown, somebody. La robe de noces. Then I said, put a clean turban on his head. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. So they put a clean turban on his head. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. And clothed him while the angel of the Lord stood by. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Then the angel gave this charge to Joshua. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. This is what the Lord Almighty says. Ainsi parle l'Éternel des armées. If you will walk in my ways, si tu marches dans mes voies, and keep my requirements, et si tu observes mes ordres, then you'll govern my house, tu jugeras ma maison, and have charge of my courts, et tu garderas mes parvis, and I'll give you a place among these ones standing here like the other angels. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Let us stop there, precious people. Laissons-nous nous arrêter là, précieux peuple. What does that tell you about the importance of the wedding gown? Qu'est-ce que ça vous dit à propos de l'importance de la robe de noces? I'm talking about the message that Jehovah El Shaddai Elohim. Je suis en train de parler à propos du message que El Shaddai Elohim is sending to the Church of Christ. Envoie à l'Église de Christ. By presenting the two golden and glorious wedding rings, en présentant les deux anneaux de noces en or, on the 1st of November the year 2006, le 1er novembre de l'année 2006, he opened heaven, il a ouvert le ciel, and placed the wedding rings at the entrance to heaven, et a placé l'anneau de noces à l'entrée des cieux. And there was so much glory at that entrance. Et il y avait tellement de gloire à cette entrée. And he was flipping them, turning them around. Et il était en train de les tourner, de les tourner. So I can see how highly decorated the wedding rings are. Ainsi je peux voir combien hautement décorés étaient les anneaux de noces. So we are looking at what is the message he was speaking to the church. Et nous voyons quel est le message que le Seigneur est en train de dire à l'Église. Alléluia. Alléluia. Now listen to this. Maintenant, écoutez ça. In Zechariah chapter 3, dans Zacharie chapitre 3, he is talking about the wedding gown. Il est en train de parler de la robe de noces. You see that as long as Joshua, vous voyez ça. Aussi longtemps que Josué was dressed in filthy clothes, était vêtu d'habits sales, then Satan was able to stand near him, alors Satan était capable de se tenir debout près de lui. On his right hand side, by the way, à sa main droite, de cette manière, to accuse him, de l'accuser. What does that mean? Let me translate that to you. Qu'est-ce que ça signifie? Laissez-moi vous le traduire. To claim right over Joshua. Pour revendiquer un droit sur Josué. To claim historic right, pour réclamer ce droit historique, as it is in this man mine. Comme vous dire, est-ce que cet homme n'est pas à moi? We have been doing things with him in the world there. Nous avons fait des choses avec lui dans le monde, là-bas. As in legal right. Comme un droit légal. This man belongs to me. Cet homme m'appartient. He has my identity. Look at the clothes he wears. Il a mon identité. Regardez les habits qu'il porte. He claims all kinds of rights on Joshua before the Lord. Il revendique toutes sortes de droits sur Josué devant le Seigneur. As long as Joshua is wearing filthy clothes. Aussi longtemps que Josué est en train d'avoir des habits sales. But immediately, mais immédiatement, the angel of the Lord commands, l'ange du Seigneur commande, and the filthy clothes are removed, et les habits sales sont enlevés, and the rich garment is placed on Joshua, un vêtement riche est placé sur Josué. Never again do you hear that the accuser was still standing there. Plus jamais vous n'entendez que l'ennemi est debout là. The accuser ceases to accuse Joshua. L'accusateur cesse d'accuser Josué. In other words, dans d'autres mots, he sees that Joshua has taken up another identity. Il voit que Josué a pris une autre identité. He cannot even recognize him anymore. Nous pouvons même pas le reconnaître. So he cannot claim right over Joshua anymore. Alors il ne peut même plus demander encore un droit sur Josué. So in other words, the father is saying to the church, alors en d'autres mots, le Père est en train de dire à l'Église, the Lord God, Jehovah Elohim, le Seigneur Dieu, Jehovah Elohim, Jehovah Eloheinu, Jehovah Eloheinu, Jehovah Adonai, Jehovah Adonai, he's telling the church, look, dit à l'Église, regarde, you have been purchased by the blood of Jesus. Tu as été racheté par le sang de Jésus. And he has already placed a glorious rich garment. Et il a déjà placé vêtements riches et glorieux. That he bought at a high price. Qu'il a acheté à un prix très haut. On you. Sur vous. You don't have any identity of the devil anymore. Vous n'avez plus aucune identité du diable. You belong to the kingdom of God. Vous appartenez au royaume de Dieu. What are you doing still looking for items and elements? Qu'est-ce que vous êtes encore en train de regarder à des détails et à des rudiments? That make you wear the identity of the enemy. Qui vous font vous revêtir de l'identité de l'ennemi.